Sur le temps du commentaire de disque de la semaine, vous pouvez lire mes commentaires de disque en allant sur les sites de Centraure, www.centraure.qc.ca, Québec Pop, www.québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Romeo Carey Blue, Michelle Russell, c'est l'album de la semaine. L'auteur, compositeur, interprète Michelle Russell nous revient avec un nouvel opus. Romeo Carey Blue, sixième album, est selon moi un de ses meilleurs. La qualité de la production et surtout la force des mélodies en sont vraiment la raison principale. La première plage, eh bien, c'est la pièce titre, Romeo Carey Blue, une complainte blues avec une touche d'humour qui nous décroche un sourire garanti. La ballade qu'on va entendre dans quelques instants, Le Grand Amour, a une couleur un peu rétro, style un peu 50, là, qui nous charme dès les premiers accords. Il y a aussi enregistré la pièce « Chez moi », une des pièces classiques qui fait toujours en spectacle. Jamais en disqué, à ce que je sache, mais cette pièce-là jouait constamment dans ses spectacles. Donc, on a la chance de l'avoir à la maison, chez moi. Très bonne pièce. Je vous donne une adresse, bien sûr, pour découvrir l'univers de Michelle Russell. Allez tout simplement sur le www.michellerussell.com pour découvrir son univers, vous procurer ses albums. On va y aller avec une bonne pièce, une première plage. Comme je vous dis, c'est une belle balade. Ça s'appelle tout simplement « Le Grand Amour ». Voici l'auteur, compositeur, interprète Michelle Russell de la région de Québec à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Quand tu te sens un peu triste, va voir à la fenêtre, près du lampadaire, je serai là. Sous les airs d'un violoniste, tout en bas, je suis là pour toi. Je sais bien que la nuit, tu dors près de n'autre que moi. Je te donnerai mon âme et ma vie. Je saurai t'aimer, mon amour. Si la nuit se drape de blanc, cours voir à ta fenêtre. Même si j'ai froid, je serai là. Je connais tes sentiments, ils sont pour moi bien en bas. Je sais bien que la nuit, tu dors près de n'autre que moi. Savoure. Tu verras. J'ai plusieurs coups de cœur sur cet album. Le « Sais-tu vraiment que je t'aime » en est un, grâce à une trame folk solide et une guitare acoustique assez accrocheuse. Il y a « La peur » qu'on va entendre dans quelques instants, qui est une très belle mélodie pour un des beaux textes de l'album. Michel Russell fait un clin d'œil à son ami français Michel Guyader en revisitant « Les Goélands », une excellente chanson de ce dernier. Je termine par les deux meilleurs textes de l'album, selon moi. « Tu voles mon âme », qui est un succès radio garanti. Sa mélodie folk est des plus accrocheuses. Et finalement, la pièce qu'on va entendre en fin de commentaire, « À toi, mon ami », qui est le chef-d'œuvre de l'album, comparable à « Tu seras toujours en moi », tiré de l'album « Les trois hommes ». Michel Russell nous livre un texte profond, rempli de sincérité, qui redéfinit le sens du mot « amitié ». Ce magnifique texte est déposé sur une des plus belles mélodies folk que j'ai pu entendre. Mais pour l'instant, on y va avec « La peur ». Voici Michel Russell. De mon ombre, j'ai peur de moi-même, j'ai peur de tout depuis mon baptême. D'où je viens, ma mère était pauvre, le beurre était noir. J'ai peur de la mort, j'ai peur de demain, j'ai même peur du train-train quotidien. Tous nos rêves n'étaient qu'ambition, je n'étais qu'un gamin. Tu es un baume sur ma vie, tu m'apaises même la nuit, tu m'apportes tellement dans la vie que bonheur j'arriverai par y croire. J'ai peur de Dieu, j'ai peur pour rien, et d'être châtié par le divin. Et mes vieux fuyaient sa colère de prière en prière. J'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être seul, d'être cocu et de me casser la gueule. Je n'étais que môme, on me disait, méfie-toi des femmes. Tu es un baume sur ma vie, tu m'apaises même la nuit, tu m'apportes tellement dans la vie, le bonheur j'arriverai par y croire. Dirigeant sa carrière d'auteur-compositeur-interprète avec franchise et intégrité, l'artiste Michel Russell nous démontre encore une fois la force de son grand talent. Il nous offre ici un sixième album solide et intéressant. Romeo Carey Blue est un opus dont on doit y tendre l'oreille. Des textes solides, des mélodies folk touchantes en font un produit merveilleux. Visitez le www.michelrussell.com pour découvrir ce bel album ou encore son univers, sa carrière et ses autres albums. On va y aller avec une dernière pièce si vous voulez bien. Et comme je le disais, sur l'album Les Trois Hommes, il y a le grand classique de Michel Russell qui s'appelle tout simplement Tu seras toujours en moi. Eh bien, aussi forte, aussi puissante, sur Romeo Carey Blue, on a À toi, mon ami, qui est le chef-d'œuvre de l'album. Et ça nous livre un texte profond, rempli de sincérité, qui redéfinit le sens du mot amitié. Voici Michel Russell, À toi, mon ami. Je ne crois pas te l'avoir déjà dit, à moins d'être ivre et que ma voix tremble. Tu peux compter sur moi, mon ami, tout déballer comme bon te semble. On se chamaille et on s'engueule, on reste jeune en dedans, et on s'arrête et on en rigole. On prend de l'âge évidemment. Qu'il y ait tempête, qu'il y ait le vent, ma porte sera ouverte, tout simplement. Je ne crois pas te l'avoir déjà dit, à toi je peux dire mes sentiments, tous mes secrets, mes peurs, mes ennuis. C'est entre nous, j'en suis conscient. Et si tu tombes dans ta vie et que les badauds ne sont pas tendres, je porterai haut le glaive, mon ami. Je serai sans pitié pour te défendre. Je ne crois pas te l'avoir déjà dit, ces mots qui pourtant te ressemblent. Nous les mecs, c'est comme ça dans la vie. Mais je te dis maintenant, je t'aime, mon ami. Les saisons s'accumulent comme des dettes à payer. L'été est grossier, le poids des années. Mon ex et les collecteurs frappent et gratte à ma porte. Une vie à rebâtir et attendre les résultats de mon capital humain. réfléchir aux conséquences, donner un sens et patienter. Ma santé dégringole au fil des années. Je glisse sous le tapis mes dernières économies. Sur le matelas de lit d'hôpital, je déclare faillite et banqueroute. Je livre la bataille à femme et meurtrie. Je livre le combat qu'un jour on se verra. Malgré tous ceux qui ont coupé mes vives, je me tiens droit debout malgré tout. Le téléphone sonne, je décroche et résonne. Funambule au bout du fil en perte d'équilibre. Le téléphone sonne, je suis là pour personne. S'il vous plaît, laisse ton message. Garder vivant l'amour pour mon enfant. J'ai meublé le silence, comblé son absence. Je suis resté accroché à la dernière image, son départ. Sa voix longue distance me fait voyager au cœur de sa vie, au cœur de mon passé. Elle cherche dans ses appels les mots pour me dire qu'elle m'aime. Le téléphone sonne, je décroche et résonne. Funambule au bout du fil en perte d'équilibre. Le téléphone sonne, je suis plus là pour personne. S'il vous plaît, laisse ton message. Je vais le garder en. Voix fébrile comme un otage. On l'a fait croire que ça fera pas mal. Que cette distance n'est pas un délit de fuite. Que c'est normal. Elle m'a laissé son message avec un soupir qu'en dit long. Elle accroche son silence, la ligne est morte. J'attends son prochain appel. Le téléphone sonne, je décroche et résonne. Funambule au bout du fil, en perte d'équilibre. Le téléphone sonne, je suis plus là pour personne. S'il vous plaît, laisse ton message. Je vais le garder en. J'ai appris une excellente nouvelle cette semaine. Il semblerait que M. Monette, Serge de son petit nom, aurait reçu une subvention du Conseil des arts de l'Ontario pour un quatrième album. Donc, bon, on ne sait pas quand ça va sortir, mais quand même, il s'enlignerait pour faire un quatrième album. J'ai bien hâte d'entendre ça et je suis bien content de M. Monette, Serge de son petit nom. La pièce qu'on vient d'entendre, c'était la pièce titre de son troisième album, Capital Humain. Très, très, très bonne chanson. Maintenant, c'est avec ça qu'on a commencé notre bloc de l'Est Québec-Ontario. On va poursuivre ça avec deux femmes remarquables. Deux femmes qui ont eu la chance de participer à des tournages de la série Balade, ce qui était Balade à Toronto sur la chaîne UniTV. Eh bien, voilà que à partir du 1er août, mercredi le 1er août, ça recommence et ça sera tout simplement Céleste Lévy qui sera la première. Et il y aura plusieurs artistes comme ça. On pense à Simon Daniel, le paysagiste. Il y aura aussi Maggie Savoie, il y aura les Hey Babies et il y aura Marie-Claude également un peu plus tard durant la saison, ainsi que Fanny Bloom. Donc, une émission assez intéressante qui nous présente différents artistes, leurs sentiments, leurs créations et tout ça. Et c'est vraiment bien fait et j'ai hâte. Bon, on a renouvelé un peu la sauce cette année. Et puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air, cette émission-là, que je trouvais très intéressante sur Unitv. Et ça recommence dès le 1er août avec Céleste Lévy, qu'on va entendre justement en ce moment, dans quelques secondes. C'est « Faire du bien », qui est, selon moi, sa plus belle chanson, tirée de son premier album, parce qu'elle travaille en ce moment sur un deuxième album qui devrait sortir peut-être à l'automne, on l'espère. Je vous tiendrai au courant. Donc, Céleste Lévy, on va entendre « Faire du bien ». Par la suite, on va terminer la première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario avec Marie-Claude et Sablier. Marie-Claude qui va faire la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby au mois d'août. On lui souhaite un gros merde pour ça. J'espère que ça va bien aller. On va l'écouter avec le Sablier. Mais juste avant, voici Céleste Lévy, « Faire du bien ». Embrasse le bout de mes doigts, lentement à la fois. Le goût de ta langue restera et pour un instant je vais. Un peu de lumière dans le noir. J'aimerais ça bien mieux te voir. Et peut-être après tout il restera que des draps entre nous. Et demain quand la pluie va tomber, on pourrait fermer nos yeux et s'embrasser. Ça peut seulement faire du bien. Si tu veux, on pourrait oublier toutes les promesses qu'on ne pourrait jamais réaliser. Je resterai ici, ici à tes côtés, loin de ce monde qui nous rend fous. Et si tu veux, on pourrait dégager tous les au fond de nos pensées. Et oui, je veux respirer ce monde qu'on a créé. Et peut-être, après tout, il restera que des draps entre nous. Et demain, quand la pluie va tomber, on pourrait fermer nos yeux. Entre nous et demain quand la pluie va tomber, on pourrait Plutôt que de compter les grains de sable, on écrira notre forme. On laissera nos cheveux allongés à Fidji. On va se réchauffer. Laissons le 9 à 5 de côté. Faisons du 5 à 9.